Clarence voulut-il m'épargner la tentation ? Quelques jours plus tard, je trouvais sa maison fermée. Il était parti, emmenant la petite fille et les domestiques. Le concierge ne put me donner aucune adresse. Ce départ sans un mot d'adieu m'atterra. Ainsi marquait-il froidement que je n'existais plus pour lui, désormais. J'attendis une lettre, les semaines coulèrent, et rien. Le dynamisme des neurones ne m'intéressait plus. À quoi bon se perdre dans des hypothèses plus ou moins fragiles ? À quoi bon perfectionner à l'infini les procédés d'une expérimentation aussi délicate, lorsqu'on sait qu'il existe, à portée de la main, un moyen d'assister au travail le plus secret de l'organisme ? Ce moyen, je ne renonçais pas à l'espoir de le posséder un jour, et je continuais d'étudier le sanskrit. Je vivais sous l'empire d'une passion morne, insatisfaite, qui décolorait la vie autour de moi. L'idée fixe, harcelante, ce clou dans le cerveau, cette maladie dont je faisais naguère de sagaces analyses, devenait mon partage. Ce fut à cette époque que je reçus la rosette de la Légion d'honneur, si longtemps désirée. « Aben, Liège, pris garde, mon fils même ne pouvait me distraire. Je n'apercevais plus son cher petit visage qu'à travers ma songerie hallucinée. Des mois passèrent. Le jour où, dans une gazette anglaise tombée par hasard sur ma table, je lus le nom de Clarence, j'éprouvais le sentiment d'une résurrection. Clarence, ce mot brillait sur la page imprimée. Je lus d'abord sans comprendre. Je relus. Un incendie s'était déclaré dans un charbonnage proche du château de Clarence, en pays de Galles. Lord Clarence, à la tête d'une équipe de sauveteurs, avait déployé un beau courage. Malgré ses efforts, on comptait un grand nombre de victimes. Ma mère, qui entrait, me surprit jetant des vêtements dans une valise. « Tu pars ? » s'écria-t-elle. Alors ma décision vint à la surface de ma pensée. « Oui, ce soir même, j'ai des nouvelles de Lord Clarence. » L'hiver, le ciel découragé de mars, la brume, sitôt débarquée, je la sens sur moi comme une enveloppe glacée. Par la portière de l'express, j'essaie en vain de distinguer ce pays triste dont je n'aperçois que des bandes de sol noir, toutes proches, et qui se perdent dans le brouillard. Ce domaine de Clarence où je ne suis jamais allé est à la pointe extrême du comté de Glamorgan, baigné par le canal de Bristol. Le train traverse des espaces de bruyères sans fin. Un village, à la tombée du soir, c'est la station où je descends. Il fait à peine plus sombre que dans la journée. Dormirai-je ici cette nuit ? Non, encore du temps perdu. Il y a des autos qui attendent. Le château de Lord Clarence, combien de kilomètres ? 20. Allons. Nous roulons sur un chemin plat. Les phares déchirent les ténèbres compactes qui se referment aussitôt. L'impatience me tient éveillée. Duncan, je jure qu'à ce moment-là, je ne pensais qu'à la joie de le revoir. La volonté désespérée de vaincre sa résistance ne surgit que plus tard, ne l'emporta sur cette joie que peu à peu. L'auto ralentit. Penché à la portière, je distingue des ombres plus denses, les arbres d'une avenue, peut-être. Les roues s'enfoncent dans du gravier, et lorsque la voiture s'arrête, je ne distingue rien qu'une masse obscure, où filtre ici et là un ray de clarté. Le chauffeur a fait résonner une cloche invisible. Un large rectangle de lumière vient à moi comme une délivrance. Je me hâte de m'évader de ce noir. Un grand hall sévère, un valet qui m'inspecte. Il condescend à aller s'informer si sa seigneurie est à home. Lorsque survient une forme agile, un adolescent aux cheveux bouclés que je reconnais, il passe devant le valet interdit et me salue avec assurance. « Monsieur le docteur Savigné, si monsieur le docteur veut me suivre, Lord Clarence sera bien content. » Ses yeux brillent, il s'empare d'un flambeau et me précède dans un interminable corridor d'allées où nos pas résonnent. Il ouvre une porte toute grande et s'efface en criant joyeusement « My Lord, voici votre ami !» Une lampe lointaine vacille à l'extrémité d'une immense pièce obscure. Des braises rougeoient au fond d'une cheminée de pierre. Entre ces deux îlots de clarté s'étend une épaisseur de ténèbres inviolées. Une haute silhouette s'approche à pas rapides, se détache de cette ombre et dans la lueur des bougies que le petit valaisan élève à bras tendus, je vois le beau visage blanc de Clarence s'éclairer d'un sourire. « Avez-vous fait bon voyage, old fellow ? » demande-t-il, avec cordialité, comme s'il m'attendait. Mes mains sont dans ses mains affectueuses. Il m'attire auprès de sa lampe. « Je suis sûr que vous n'avez pas dîné. »« Célestin !» Il donne des ordres et se tourne vers moi. Nous échangeons de chaudes paroles, nous sourions. Il a effacé le souvenir de l'offense. Le valaisan reparaît avec un plateau. « Vous reconnaissez ce gamin-là, n'est-ce pas qu'il a grandi ? Je l'ai toujours avec moi, désormais. » Et, il ajoute en anglais, il commence à oublier. La petite Claire est en Écosse, chez une sœur de Duncan, qui s'est attachée à cet enfant au point de ne plus vouloir s'en séparer. Nous sommes seuls, au coin du feu. Clarence a fait allumer les candélabres d'argent sur la cheminée. La lampe derrière nous éclaire une table massive, chargée de papier. Célestin a laissé son flambeau sur un vieux coffre en bois sculpté. La chambre se peuple de lumières tremblotantes qui la font paraître plus vaste encore. Je lui dis que j'ai souffert de son absence, de son départ sans adieu. Il me répond « J'avais besoin de solitude ». Il ne s'explique pas davantage. Penché sous le candélabre, il s'offre à mon regard. Sa face s'est encore affinée et ses yeux agrandis ont cessé de sembler une anomalie. À présent que sa chevelure est d'une blancheur de neige, ils sont tout éclairés d'une lumière inconnue. Ils me font penser à deux flammes immobiles au milieu de la nuit qui réchauffent et rassurent et dont on est certain qu'elles ne s'éteindront plus. Deux flammes dont le rayon baigne tout son visage d'une sérénité presque surnaturelle. Je n'ai jamais vu cette expression qu'aux effigies des saints. Alors, devinant mon ami plus distant que naguère, ma vieille affection s'émeut tout à coup. Je l'appelle pour le forcer à se rapprocher. « Duncan, parlez-moi de vous, votre santé. Vous avez dominé cette angoisse qui m'inquiétait l'été dernier. Merci, old fellow, je vais bien désormais. » Il sourit. Et le sourire rend plus sensible encore la luminosité de cette figure que je ne puis cesser de contempler, où je vois transparaître je ne sais quel resplendissement intérieur. Il y a donc autre chose. Une force qu'il m'a tenue cachée, une joie qu'il a découverte, des certitudes nouvelles. Je ne comprends plus. Je romps enfin le silence et j'essaie de renouer la conversation. « Duncan, j'ai lu dans les journaux votre conduite héroïque. » Il n'a pas bougé. Son regard glisse sur moi. Les mots que je viens de prononcer me paraissent soudain vides de sens. Alors je devine, Duncan, ce coup de grisou. Tous ces morts. Vous avez averti les mineurs et vous n'avez pu les convaincre. « Oui, » dit-il avec une pointe de l'amertume ancienne. Le rapport officiel affirmait que la mine ne présentait aucun danger. Toujours le rapport officiel. Et vous avez assisté à leur agonie. Je n'ai pu les sauver, constate-t-il, et les survivants me haïssent. Ils m'accusent d'avoir mis le feu à la mine. Quelques-uns viendront cette nuit essayer d'incendier le château. Je sursaute. Duncan, vous vous faites garder ? Sur sa face tranquille perce une souffrance qui l'efface aussitôt, et je m'écrie comme malgré moi, « Si du moins vous n'étiez pas seul, si vous aviez un disciple dévoué qui partagerait vos peines. » Il me regarda, ses yeux brillèrent une seconde, je crus sentir un éclair me traverser de part en part. « Nous y voilà, » fit-il, sans élever sa voix paisible, « vous êtes venu ici pour cela, pour que je vous livre de gré ou de force. » Ces parchemins, une colère m'envahit, mêlée de désespoir à cause de ce que je sentais d'inexorable et de définitif dans son intonation. « Alors cachez-les bien » criai-je avec une ironie tremblante, en désignant la table couverte de manuscrits, car je pourrais vous les voler cette nuit. Ces parchemins que j'aurais dû depuis longtemps détruire, acheva-t-il comme s'il n'avait pas entendu mon absurde sortie. Déjà je m'étais ressaisi. Je murmurai douloureusement. « Vous qui savez, vous devriez comprendre mes raisons. » Il reprit sans me quitter du regard. « L'amour pour une femme suffit à ruiner une amitié virile, la soif de l'or aussi et l'ambition. la passion qui vous possède est plus terrible encore. » Je protestais, frappé au cœur, je parlais de ma vieille affection, de mon dévouement sans réserve, de mon désarroi loin de lui, et j'évoquais les jours heureux du Turkestan chinois. Il m'interrompit, d'une voix pâle qui venait de très loin, il prononça avec cette même douceur glacée, « Mon ami, c'est vous qui me tuerez. » Le soubresaut que je ne pus réprimer me mit debout. Je le regardais comme naguère en me demandant s'il ne devenait pas fou. Et je lui criais avec un tel accent de reproche, « Duncan !» qu'il répondit tout de suite, comme pour atténuer ses paroles. « Ne passons-nous pas notre vie à tuer ceux qui nous sont le plus chers ?»« Mais oui, old fellow, notre vie s'écoule à leur faire du mal, par notre amour égoïste, notre violence, notre incompréhension. » Un peu rassuré, je me suis forcé de rire. « Moralisez, je préfère cela !» Il ajouta, très bas, « À combien de reprises déjà ne m'avez-vous pas détesté ? Et tout à l'heure, encore ?» Je le regardais, béant. Oui, tout à l'heure, la durée d'une seconde, je le haïssais. Ma seule présence vous verse la tentation. Vous enviez ce pouvoir dont vous n'évaluez ni la terrible puissance, ni les responsabilités. Et mon expérience dont vous êtes le témoin ne peut vous empêcher de désirer cela par-dessus tout. Oui, je sais, la tentation de savoir est presque irrésistible. C'est sans doute pour savoir que Judas a livré le Christ. Il parlait, comme en rêve, de cette voix qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, à un être détaché de toute la vie terrestre. À quoi bon me disculper ? Il connaissait mieux que moi-même l'arrière-fond trouble de ma subconscience. Une tristesse pesante m'accabla et je laissais flotter mes pensées à la dérive. Combien de minutes coulèrent ainsi, la notion du temps était abolie. Ce fut un mot de Duncan qui m'éveilla. « Les voilà, » disait-il. Je me dressai, il faisait froid, le brasier s'éteignait, une des bougies consumées avait coulé sur le parquet. Alors je songeai aux incendiaires en marche, dans la nuit brumeuse. Duncan avait les yeux fixes, dont le regard semblait traverser les murailles. « Écoutez, une rumeur s'éleva où se mêlaient des cris, des imprécations et que ponctuaient des claquements secs de coups de fusil. Je dis à Clarence, « Allons là-bas, il faut vous défendre. » Il eut une sorte de sourire. « Si l'heure est venue, qu'importe les précautions. »« Mais s'ils parviennent jusqu'ici, vous êtes sans armes. » Il murmura, « Mourir a-t-il tant d'importance ? » Un simple changement de veste. Courbé sur le foyer, il sembla mettre tout son effort à ranimer le feu. À quoi songeait-il donc ? À brûler ses parchemins, peut-être, au cas où les assaillants auraient la victoire ? Non. Il savait que les misérables étaient déjà aux mains de ceux qui veillaient. La porte s'ouvrit, et ce fut le petit valaisan qui annonça « My Lord, nous en avons pris 12, 2 sont blessés. »« J'avais ordonné de tirer en l'air, » reprocha Lord Clarence. « Portez les blessés dans une bonne chambre. » J'irai les voir. Et les autres, my lord, qu'on les amène. » L'enfant sortit. Alors je vis entrer une escorte de grands valets en livrée qui portaient des flambeaux. Ils se rangèrent et poussèrent en avant les malfaiteurs dont ils encadraient la troupe minable, des hommes, quelques femmes, des adolescents, visages noirs de charbon et de crasse, vêtements déchirés et comme passés à la suie. Dans la clarté des bougies, leurs traits s'inscrivaient durement sur leurs faces, couvertes de sueur. « My lord, » dit un solennel valet aux cheveux blancs, « nous les avons pris en flagrant délit. Ils portaient des seaux de pétrole et de l'étoupe. Celui-ci commençait déjà à mettre le feu quand nous l'avons saisi. » Il désignait un gringalet à figure d'apache londonien, le seul qui eut les mains blanches. « Que devons-nous en faire, my lord, avant de les livrer à la justice ? Laissez-nous, » dit Clarence à mi-voix. Il fit un geste et les valets se retirèrent jusqu'au seuil, laissant les mineurs interdits au milieu de la pièce. Alors il me sembla que Lord Clarence se livrait à se révolter, qu'un coup de feu allait partir de la bande exaspérée et muette qui formait dans l'ombre un groupe compact. Duncan songeait-il à cela ? Son visage n'était plus qu'un masque d'épouvante. Sans quitter des yeux les mineurs, il reculait, pas à pas, jusqu'au fond de la pièce, m'entraînant avec lui. Je sentais sur mon poignet l'étreinte de ses doigts glacés. « Les voyez-vous » disait-il. « Voyez-vous tout ce qui vient d'entrer avec eux, tout ce qui remplit cette chambre ? Voyez-vous » Mon regard obéissant interrogea le noir troupeau immobile. Duncan était arrivé à la muraille, il s'y appuya comme s'il allait tomber. « Ouvrez donc les yeux, vous qui voulez voir, cette suite derrière chacun d'eux, là, là, cette suite qui les attend !» Sa main sur la mienne, l'immense tristesse de son accent, ses yeux dénombrant quelque chose au milieu des ténèbres, me communiquaient l'hallucination. Je croyais distinguer autour des prisonniers des ombres lentes qui s'assemblaient. « Avec tous les détails inexorables, poursuivit Clarence, la faim, l'ivrognerie, le vol, la maladie. Ici, des petits qui meurent, là, des fillettes qui se vendent, et de nouveau le grisou, puis la vieillesse abandonnée sur un grabat. Un geôlier met la main au collet de ce vieux. « Et toi, le bourreau, je te reconnais bien. Tu vas pendre ce gringalet pâle. » Duncan passait la main sur ses paupières comme pour chasser la vision. « C'est abominable. Laissez-moi seul, puisque je ne puis plus voir un homme qu'enchaîné à toutes les douleurs de sa vie. » le cortège de la misère, du crime, le malheur aux multiples figures. Je le discernais à mon tour dans ces demi-ténèbres traversées par les lueurs incertaines des bougies. Il me semblait que cette pièce se peuplait peu à peu, se remplissait des ombres du destin. Oui, je voyais. Comme si la vision de Clarence eût provoqué la mienne. J'ai balbutié, je vois aussi. Mon exclamation parut le réveiller. Il posa les deux mains sur son visage, comme pour rétablir le calme de ses traits. Il demeura quelques secondes, immobile, les yeux clos, et j'entendis ses lèvres murmurer « Oh, sagesse !» Il avait recouvré son calme. Alors il s'approcha des mineurs effarés, et de sa voix habituelle, il leur dit avec douceur « Allez, vous êtes libres, ne m'accusez plus. S'il avait dépendu de moi, personne ne serait descendu au fond des puits ce jour-là. » Il se fit un mouvement dans le groupe, les faces stupéfaites se tournèrent vers Lord Clarence. Un vieillard se mit à rire tout à coup en disant « Je vous avais bien dit qu'il nous sauverait la vie. » Le majordome émergea du seuil et s'inclina vers Duncan. « My lord, avec la permission de votre seigneurie, jusqu'à demain matin, vous... »« Laissez-les libres, » ordonna Clarence. Et interpellant la bande, il ajouta « Allez, rentrez dans vos maisons, que Dieu protège. Bonne nuit. » Ils s'éloignaient à reculons, sans cesser de regarder le visage qui leur souriait. Quelques-uns avaient des larmes. Une femme se jeta aux pieds de Clarence et lui baisa les mains en s'écriant « Pardon, my lord !» Il se détourna et je l'entendis murmurer « Vous êtes assez punis, vous qui vivez !» Un à un, ils sortirent, les valets, mécontents, refermèrent la porte et l'atmosphère s'allégea. Une émotion inconnue serrait ma gorge. Je dis comme malgré moi « Vous êtes bon ?»« Bon !» Il eut un rire muet qui laissait sa figure immobile. « Vous ne pensez pas que c'est de l'habileté politique ?»« Non, vous avez raison, car demain, ils me haïront de nouveau. Pourquoi les punir ? Ils emmènent avec eux leur suite, dont chaque élément surgira à leur venue et se fera leur tortionnaire, sans que j'aie besoin de m'en mêler. Soyez-en sûrs. » Le frisson me reprit. Je songeais à ma suite, à moi, que Duncan discernait aussi sans doute, et qui attendait son heure. Je me tournai vers lui. Des larmes coulaient sur ses joues blanches. « Ah » soupira-t-il, « je sais aujourd'hui, je sais depuis longtemps pourquoi Jésus pleura en regardant une foule. » Il parut se souvenir de ma présence. Il m'examina tout à coup et dit « Allez-vous-en !» Je sursautai, croyant avoir mal entendu. Mais il continuait avec ce calme qui m'épouvantait. « Délivrez-vous de moi, Duncan, old fellow !» J'avais peine à le regarder, son visage semblait celui d'un mort qui parlerait. « Allez-vous-en, partez ce soir. Ne sentez-vous pas que ma personnalité clairvoyante appelle la vôtre à la lumière ? Échappez-vous pendant qu'il est temps encore. Fuyez-moi. » Il s'approcha, posa les deux mains sur mes épaules et dit affectueusement « Ce soir, les routes ne sont pas sûres. il y a d'autres bandes qui rôdent. Dans mon auto, vous pourriez être pris pour moi et recevoir un coup de fusil. Mais demain, dès l'aube, n'est-ce pas, old fellow? Vous me le promettez. » J'ai répondu oui, au hasard, sans savoir ce que je disais. Il ajouta, avec une douceur poignante, « Old fellow, je voudrais vous épargner ce qui vous attend. Pierre, soyez persuadé de ceci. C'est seulement par nos victoires intérieures que nous pouvons modifier l'ordre de notre existence. Il faut nous vaincre. Il faut tuer en nous le mauvais désir. Clarence, vous êtes souffrant ce soir. Laissez-moi rester auprès de vous. » Non. Il avait sonné. Un valet parut. Il ordonna la chambre brune dans l'aile du nord. Allons, bonne nuit, old fellow. Tâchez de dormir. Et demain, à 6 heures, l'auto vous attendra pour vous conduire à l'express. Je vous reverrai, Duncan. Il eut un sourire qui me fit froid au cœur. Je serai là. Machinalement, j'ai suivi le valet le long des couloirs qui traversent le château d'un bout à l'autre jusqu'à la chambre brune. Une chambre vaste et froide, malgré le feu de bois, sombre, en dépit des candélabres allumés. Je me suis assis devant ce feu, trop énervé pour songer à dormir. Ainsi Duncan me congédie le jour de mon arrivée. Je le retrouve, étranger à lui-même, avec cette sérénité qu'il maintient sur son visage et cette domination de sa souffrance, une souffrance qu'il ne me livre plus. À force de tendre son esprit vers le monde invisible, il devient indifférent aux actes quotidiens, aux contours de sa vie, détaché de ce qui le concerne, sourd aux paroles humaines, inaccessible à l'amitié. Il a cessé d'être harcelé par les démons de l'invisible, comme il a dit un jour. Il s'est réfugié dans son Dieu problématique, dont il accepte l'ordre qui lui arrache des larmes. Son épouvante de tout à l'heure, ses larmes, dernière révolte de son humanité, lui s'achemine vers la résignation totale. N'est-il pas le confident du destin? Alors je revois la face du Bouddha clairvoyant où était peinte une certitude magnifique. De la main, il repoussait quelque chose. Ah, je repousserai, moi, quand je posséderai son pouvoir, l'inutile vision des peines inévitables. C'est dans la sécurité des laboratoires que j'interrogerai l'avenir. Ce n'est pas le monde fantastique des hommes que j'évoquerai. Ce sont les aspects de la matière vivante à qui j'arracherai l'un après l'autre ses secrets. Voir dans l'épaisseur des corps, connaître les réactions, devancer les expériences, énoncer les problèmes qui nous agiteront demain, les résoudre, en soulever de nouveau, aller de vérité en vérité. Et je ne vivrai pas dans l'épouvante, et je ne me réfugierai pas dans je ne sais quelle sagesse, je ne m'éloignerai pas de mes confrères. Je serai un homme comme les autres, mieux armé, voilà tout, mais un homme qui poursuit sa marche au néant en laissant derrière lui de la lumière. Quand je saurai, quand? Mais puisque Duncan m'éloigne, il ne reste que 7 nuits. 7 nuits. Dans ma mémoire fulgure un mot qu'il a prononcé tout à l'heure, et ce mot s'écrit en lettres de feu sur les parois sombres de ma chambre. Il m'entoure, il m'aveugle. Je ne peux plus lui échapper. Les parchemins que j'aurais dû détruire. Clarence a-t-il dit vrai? Son pouvoir commencerait-il à me gagner? Il me semble que je vois. Oui, une figure se précise, si concrète que je crois la toucher. Duncan, penché sur le brasier, son visage de marbre éclairé par le feu. Il tient une liasse entre ses mains. Il l'examine. Il fait le compte des parchemins, de ses notes, de ses traductions. Plus rien ne doit survivre. Et voici qu'il les lance aux flammes. Le cuir asiatique se tord dans la fournaise. Je me redresse, le front mouillé de sueur, mes artères battent. J'ai la fièvre? Non, je ne permettrai pas cet anéantissement irrémédiable. Il a déjà détruit celui qui voit. Il ne détruira pas les parchemins. Je suis debout. Je marche vers la porte comme un automate. J'obéis sans objection à une volonté qui s'est installée en moi. S'il faut menacer Duncan, le faire céder par la force, je n'hésiterai pas. Ce dédale des corridors, je l'ai noté machinalement. Je saurai retrouver le chemin. La chambre est devenue chaude à ne plus pouvoir respirer. J'aspire à la crudité des couloirs. Un candélabre allumé vient au-devant de ma main. Des allumettes, il y a des courants d'air subis. Une appréhension me cloue sur le seuil. Ces brutes que Duncan se plaît à mettre en liberté sont à rôder autour du château, sans doute, elles ou leurs pareilles. Peut-être vais-je les rencontrer dans un coin d'ombre. Alors, j'ai saisi dans la poche de mon pardessus le revolver que j'emporte en voyage. J'ai pris la précaution de le décharger. Je ne voudrais pas tuer les clients de Clarence, les menacer seulement, les tenir en respect. Cependant, j'ai mis des cartouches dans ma poche. La porte a semblé s'ouvrir d'elle-même et les couloirs commencent de se dévider en sens inverse. Ils n'en finissent plus. La lueur du flambeau se perd dans les ténèbres. La sueur se refroidit sur mon front. Le claquement de mes dents est si formidable au fond du silence qu'il ne va pas manquer de donner l'éveil, d'attirer sur moi les valets ou les malfaiteurs. Pourtant, ce n'est pas cette crainte qui me fait haleter et redoubler de hâte. Si j'arrivais trop tard, les parchemins que j'aurais dû depuis longtemps détruire, Duncan le sait par cœur, il peut s'en passer, lui. Trop tard, alors je n'aurais d'autre ressource que de me jeter sur lui et de le confesser. Le canon du revolver collé à sa tempe, questionnaire irrésistible. Ah, tous les détails de cette heure que je revis nuit après nuit, jour après jour, sans échapper au plus menu, au moins cruel. Arrivé devant la lourde porte, j'écoute une minute. Un abîme de silence m'entoure. Il me semble entendre le tumulte de mes pensées. Alors je pèse doucement sur la poignée. Elle cède, le battant se déplace, et je demeure sidéré en reconnaissant l'image qui me hantait. Le feu, une étroite nappe de lumière dansant au milieu de la vaste obscurité, et la silhouette de Duncan penchée, sa main qui tout à l'heure fera le geste. Une joie terrible s'empare de moi, il est encore temps. J'ai posé le flambeau par terre et me suis avancé. Je glissais sans bruit, retenant mon souffle. J'ai vu son profil se redresser. Il tourna un peu la tête et me regarda venir. Ce visage, que j'avais quitté moins d'une heure auparavant, semblait ne plus appartenir à l'essence humaine. Il m'apparut comme brillant de spiritualité. Il n'avait de son ancienne vie que son regard, et ce regard posé sur moi était comme une force qui essayait de m'arrêter. Mais rien ne pouvait plus m'arrêter, et j'échappais à ce regard. J'avançais encore, et tout à coup, j'entendis ma voix oppressée qui disait « Clarence, ne les brûlez pas ou je tire !» Et j'ai levé l'arme. Je l'ai visé au front, escomptant son mouvement de recul. Il ne bougea point. Ses yeux qui me scrutaient n'eurent pas un vacillement. Il savait que le revolver était vide. Une fureur désespérée me secoua. J'avais oublié encore une fois que j'étais toujours sa dupe. La durée d'une seconde, j'ai senti monter des profondeurs obscures de ma conscience le regret, oui, l'affreux regret d'avoir déchargé le revolver. Un coup dans le plafond et puis le canon sur sa tempe. Et s'il ne cédait pas, je compris que j'étais capable de le tuer. Ma main libre dans ma poche toucha mes cartouches. Cependant, il s'était mis debout. Il marchait vers moi qui tenait toujours l'arme braquée et je l'entendis murmurer comme s'il répondait à l'impulsion fratricide. « Mon ami !» Il étendit le bras et je fus tellement saisi par le rayonnement de son visage que je ne pensais même pas à retenir le revolver inutile. Cette mansuétude, ce sourire presque divin et cette tristesse immense de ses yeux pleins d'amour. Et puis, ce fut l'éclat de tonnerre, la foudre tombant à mes pieds. Est-il possible d'oublier une balle dans un revolver qu'on décharge? Ce coup de feu que Duncan venait de se tirer en pleine poitrine, n'était-ce pas le cauchemar qui continuait? Je le vis chanceler une seconde, s'abattre à la renverse, et dans l'échancrure du gilet, je vis sa chemise blanche qui devenait pourpre. Je m'étais jeté sur lui. Je faisais des mouvements stupides comme de tirer mon mouchoir pour arrêter le sang. Tout ce sang qui ne cessait de couler, cette mare de sang élargie sur les dalles, comme il y a du sang dans un pauvre cœur d'homme. Son regard vivait encore, il oscillait au bord extrême de la vie, il résistait aux ténèbres envahissantes, et je fus comme suspendu à ce regard. Impérieux et doux, il me fixait sans relâche, il me communiquait le dernier message de son amitié mourante. Son pardon, plus haut, il m'attirait au-dessus de l'étreinte de nos êtres. Il me dictait l'ordre suprême du clairvoyant qui veut épargner les hommes. Explicite comme une voix, il descendait aux sources de ma pensée. Il exprimait une volonté lucide. C'est parchemin, c'est toi-même qui vas les brûler. Hâte-toi, si tu veux que j'emporte cette certitude, si tu veux que je sache que tu m'aimais. Je résistais, je m'insurgeais de toute la force de mon cerveau tiré de sa stupeur. Je ne puis consentir, je ne ruinerai pas ma plus haute espérance. Pour ces parchemins, j'ai tué mon ami. Mais les yeux de Duncan continuaient de me fasciner. Je sentais se dissoudre ma résistance, et ce fut comme si sa volonté s'installait en moi. Alors, à travers ma révolte, à travers un désespoir de l'esprit qui doublait mon désespoir, conscient que je commettais un nouveau crime, et cependant incapable de m'y refuser, j'ai obéi à ce regard. J'ai pris par terre les manuscrits et je les ai jetés dans le brasier. Une ombre de sourire a passé sur ses lèvres, presque sans voix, dans un dernier souffle, il exhala « Merci, old fellow !» Et ses yeux, encore tout remplis de lumière, se sont fermés. Combien de temps suis-je demeuré prostré auprès du cadavre de Clarence, sans penser, sans souffrir même, abîmé dans une mort de l'esprit. Les parchemins achevèrent de se consumer, le feu s'éteignit, je fus plongé dans l'ombre opaque. Ce fut le froid qui me rendit à la conscience, et tout aussitôt le froid intérieur prolongea le misérable froid de mon corps. Clarence mort, tué par lui, tué par moi. Les valets qui allaient venir, l'enquête, la prison peut-être, et la cour d'assises, et le visage de ma mère, et mon petit Philippe. Je me redressai, j'allais en titubant chercher le flambeau là-bas qui projetait une pauvre lueur au seuil de la salle. Penché sur la table, j'écrivis une ligne d'anglais en contrefaisant l'écriture. Je ne pouvais plus supporter la vie. Et sans bruit, comme une ombre criminelle, j'ai regagné ma chambre. Old fellow, je voudrais vous épargner ce qui vous attend. Ce qui m'attend, vous l'aviez prévu, vous, mon ami, l'être que j'ai le plus aimé. Ce qui m'attend, ce cauchemar de toutes les minutes. Écoutez votre voix à travers les voix qui me parlent, celle de ma mère, celle de mon fils. Retrouvez à travers tous les visages vos yeux mourants fixés sur moi. Revivre sans répit cette heure de folie et d'angoisse et ne pas comprendre, et me haïr comme je n'ai jamais haï personne. Ce qui m'attend, mon geste de meurtrier dressé entre mon fils et moi, ma solitude épouvantée, les hallucinations qui me font douter parfois si vous ne m'avez pas communiqué une part de vos tortures, et le rappel déchirant de notre amitié, des heures merveilleuses où nos esprits accordés se répondaient, s'entraînaient mutuellement sur les cimes de la pensée. Votre sourire, le son de vos paroles, souvenirs qui sont la part la plus amère, car je sais bien, Duncan, que vous vous êtes tué pour m'épargner l'horreur d'être votre assassin. Je souffrais trop, je suis allé chez un confrère, un praticien illustre qui voit défiler dans son cabinet des cas innombrables de psychose. J'éprouvais d'abord quelque soulagement de parler. Parler me libérait un peu de mon angoisse. J'arrêtai ma confession avant la dernière nuit. Des yeux aigus m'épiaient, guettant des indices pour éclairer un diagnostic, et j'évoquais le regard de Clarence qui faisait passer en vous comme un rayon céleste. Ce médecin m'a dit « Lord Clarence et vous-même avez été les victimes d'une série d'hallucinations collectives dont la logique et la continuité constituent un cas de psychiatrie très rare. Heureusement pour vous, vous échappez aujourd'hui à cette influence morbide. Vous devez réagir, vous distraire, voyager peut-être. Il faut, à vos cellules intoxiquées, un repos absolu. Qu'est devenu Lord Clarence ?» J'ai répondu en détournant la tête. « Il s'est tué, et je suis sorti, plein de mépris. » Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai retrouvé la paix. Ce printemps-là, je fis de longues promenades dans les environs de Paris. Il me semblait émousser ma peine tout en marchant. Je reconnaissais les chemins où j'avais passé avec Duncan, et je m'étonnais qu'ils fussent restés pareils. Je revoyais le visage tourmenté de Clarence qui n'avait pas encore rencontré la sagesse, et moi près de lui, le surveillant comme un malade et ne comprenant même pas la distance qui nous séparait. Un jour, dans la vallée de Chevreuse, je fus salué par une voix qui me tira de ma rêverie. Un homme, vêtu de futaine, nu-tête, et qui tenait une gerbe de fleurs dans ses mains noueuses, me considérait. « Vous ne vous rappelez pas ? » disait-il. « C'était dans une salle d'auberge, et des infirmiers m'emmenaient. » Ses yeux brillants entre les paupières mi-closes, qui semblaient se fermer sur un regard trop pénétrant, ce visage maigre, encadré de mèches grises. Je me souvins. J'ai constaté stupidement, « À la bonne heure, vous voilà guéri. » Il eut un sourire d'indulgence. « Votre ami m'a fait mettre en liberté. » Il se tut, et soudain il dit à voix basse, « Il est mort. » Un silence tomba sur nous. Je l'entendis murmurer. Il en savait trop long. Nous avons fait quelques pas l'un à côté de l'autre, dans le chemin bordé de haies où le printemps gaspillait ses trésors. Je revoyais la scène de l'auberge. J'écoutais les paroles de Clarence. Mon compagnon proposa, « Voulez-vous venir jusque chez moi ? Ce n'est pas loin. » Je l'ai suivi. Une maisonnette basse, toute seule, au bord des bois. Il me fit entrer dans la chambre pauvre et propre qui répandait une confuse odeur de plantes. Et je vis que, des poutres du plafond, pendaient en guirlandes des bouquets séchés. « Vous recueillez des plantes médicinales ?» Courbé sur l'âtre, il rapprochait les tisons, faisait chauffer du café. « Les vertus des plantes, on ne les connaît pas assez, » dit-il, sans relever la tête. Je m'étais redressé, je touchais les bouquets. De multiples arômes émanaient des fleurs sans vie. Je les respirais avec une sensation de bien-être inattendue. Alors, il dit en se mettant debout, « Les paysans viennent de loin m'en demander pour guérir leur mal. Elles sont plus faciles à donner que des conseils. » Il se tut de nouveau. Il semblait parler contre son gré, en tâtonnant parmi les mots, comme quelqu'un qui a l'habitude du silence. Je laissai tomber la fruste conversation. Il me versa un bol de café et s'assit devant la table, en face de moi. « Vous guérissez beaucoup de malades ?» Il eut un signe de tête. « Vous êtes médecin, monsieur, mais vous ne me causerez pas d'ennui. » Il se tut, oubliant son café qui refroidissait, et il ajouta, avec un sourire, « J'essaie de leur ôter la peur de mourir. La mort, c'est un pays dont on revient. » Il me semblait entendre la voix de Duncan murmurer, « Mourir a-t-il tant d'importance ? Un changement de veste ?» Et rencontrant ce regard lumineux et tranquille, levé sur moi, je crus saisir un reflet des yeux que je ne verrai plus. « Entendez-vous chanter le rossignol ?» demanda mon hôte tout à coup. « Vous n'y faites plus attention. Vous ne l'écoutez pas. Il est trop près de vous. Les morts sont trop près aussi, peut-être. Alors, nous oublions de les écouter. » Ce simple appliquait ses baumes sur mes plaies. Une douceur inusitée me pénétrait avec ses humbles paroles. Il me semblait que le mur où je heurtais sans fin mon front s'écartait, s'évanouissait, laissant paraître un horizon baigné de lumière. Il se pencha vers moi, et très bas, de sa voix lente, où perçait une sorte de tendresse timide, il acheva, et, comme ils connaissent tout, ils pardonnent. Ici se termine celui qui voit de Noël Roger, enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net.